boxon, hein? Comme on dit par chez nous, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. S'il vous plaît, veuillez rentrer dans la danse. Si ça te plaît, eh ben fallait que t'y penses. Les temps sont durs, on finit les politesses. Et quand ils s'énervent, c'est ça la France. C'est ça, ouais. Et mon cul, c'est du poulet. En plus, avec la crise, ça tend bien qu'il soit soldé. Car je me mets à la fenêtre, fils, que je vois tous ces touristes. J'ai l'impression d'être en vitrine et vu que je peux pas bouger. Le sable des plages cette année, je pourrais pas y toucher. Les minettes à poil au Cap d'Agde, je pourrais pas y goûter. Dégoûter, yes. Ici, que des vieilles pots de fesses et des cochonnes à trois sesterces. Mais laisse, pas de jeu d'adresse, on s'en remet au hasard. Et la française des jeux se joue de nos derniers espoirs. Mais c'est le désespoir. Ensemble dans le trop boire, jusque trop tard. Au réveil le lendemain, c'est le trou noir. On doit sur la sonnette de mon pote, on trotte vers le PMU, voir ce qui s'y frotte. Une noisette et le turf du jour, s'il te plaît. Que je trouve le bon canasson, ça va payer. On prend les mêmes et on recommence. S'il vous plaît, veuillez rentrer dans la danse. Si ça te plaît, eh ben fallait que t'y penses. Les temps sont durs, on finit les politesses. Et comme disait l'autre, c'est ça la France. Bonne résolution, direction le pôle emploi. Autant aller au pôle Nord, sucer ta banquise. Les boîtes intérim t'envoient à l'usine. Et avec le contrat, on t'offre un tube de vaseline. Faut travailler plus pour se faire enfiler plus. Ça facilite le transit, mais ça fait pas les courses. C'est ça, mon beau pays, qu'est la France. Des gens qui pensent à ta place et qui décident de tes finances. Soi-disant pas de sous, toute l'année à faire les soldes. Le pouvoir d'achat ne bouge pas pour les victimes de la mode. Tant mieux pour eux, c'est chouette. Mais bon, disons qu'à la supérette, ça règle à coup de coupon. Penses-tu qu'ils en tireront une leçon? Non, et ça se vérifiera lors des prochaines élections. Écoute mon pote, on est dirigé par un despote. Et quand tu demandes, ben personne n'a fait ce vote. Prends les mêmes et on recommence. S'il vous plaît, veuillez rentrer dans la danse. Si ça te plaît, eh ben fallait que t'y penses. Les temps sont durs, on finit les politesses. Et quand ils s'énervent, on prend les mêmes et on recommence. S'il vous plaît, veuillez rentrer dans la danse. Si ça te plaît, eh ben fallait que t'y penses. Les temps sont durs, on finit les politesses. Et quand ils s'énervent, c'est ça la France. Finalement tout le monde il est beau, il est gentil, il est bien dans le cousin. On se croirait au Groland, putain. On coule sous la taxe, on se fait racketter. Et tout le globe a compris que ce pays est à racheter. Pour noyer le chagrin, ça fait fumer la CB et les LCD contre les fonds actuels CD. Allons, pourquoi se faire du bien quand on peut se faire du mal? Ce soir c'est loft pourri, en plus c'est la finale. Allez-y bande d'abrutis. Quelqu'un peut m'expliquer comment peut réussir un gars comme Stevie? Bref, comme on dit, on prend les mêmes et c'est reparti. Une pince et de nawak et on pétrit la patrie. Pourquoi dans le Nord, quoi, il parle comme ça? J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que... Dans le Nord. Ouais. Dans le Nord. Ouais. Pourquoi il parle comme ça? Ah. Eh ben pour comprendre.